Erreur d'exécution. Fichier trouvable. Vous devez redémarrer CNX.com. CNX, c'est l'émission pour les amateurs de technologie. Gadgets, critiques, sites web, nouvelles, logiciels, musique de jeu et autres geekeries. CNX, l'émission la plus geek de la radio. Jeudi 11h ou lundi 10h, à CFI.